Michel en votre compagnie pour une heure, voire plus, d'accordéon avec son émission Accordéon Parade. Pendant une heure, auditrice, auditeur de Sorgia FM, d'abord bonjour. Et pendant une heure, eh bien, on va chanter les accordéons. Et c'est Jean, et oui, Jean de Prince, un nouveau dans Accordéon Parade. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci à Marceau qui vient de nous interpréter Athlétique, un morceau de sa composition. Et auparavant, c'était Mimi Prudhomme qui nous a interprété une polka en plein bal. Et on continue avec un classique de l'accordéon interprété par Monsieur Raymond Boisserie, Reproche. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur les 91 MHz, 91 MHz sur GFM, comme chaque dimanche de 9h à 10h, vous avez rendez-vous avec l'accordéon, le bonjour de l'accordéon, dans Accordéon Parade, avec Michel et ses amis accordéonistes. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. C'est en compagnie de Monsieur Jules Lancien que nous allons faire un petit tour sur la Serra Mia. Monsieur Jules Lancien. Maintenant, vous êtes tous invités aux noces de Maria Chapdelaine. Yasmine à l'accordéon. Merci à mademoiselle Yasmine de nous avoir proposé ce mariage. C'était un beau, beau mariage. Et on continue Accordéon Parade. À Cuba, conte la belle Romania. On dit qu'elle passait ses nuits à danser devant lui. On pense à Santa Clara, que la belle Romania commettait une folie. Charmant la rumba que la belle Romania a tissé les jalousies et brûlé ses envies. À Cuba, conte la belle Romania. On dit qu'elle passait ses nuits à danser devant lui. On pense à Santa Clara, que la belle Romania commettait une folie en offrant la Saint-Vie. Comme une sirène, elle tendait ses filets. Un tel penchant amoureux l'a transporté, un nouvel amant à chaque fois l'a comblé. C'est en charmant la rumba que la belle Romania montrait son bel appétit et ouvrait grand son lit. Thank you. légende à Cuba. Ne dis pas qu'en Romagna a mis fin aux insomnies et trouvé un mari. On pense à Santa Clara, que la belle Romagna a passé toutes ses nuits à dormir. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon parade. 100% musette sur la bande FM. Et cette émission, c'est une émission pour les mordus du dépliant. Tous les dimanches, la valse, le passo doble, le tango, et j'en passe. Et puis, accordéon parade, eh bien, c'est un dialogue musette, et c'est Jo Destré qui nous le dit avec son accordéon. Thank you. Oui, et merci à Joe Destrait de nous avoir fait valser avec ce dialogue musette. Et comme vous savez, Michel, c'est un Jurassien, il le dit assez souvent à l'antenne, son Jura, eh bien oui, c'est son Jura, c'est un Jurassien, oui. Et alors, Michel va vous faire écouter une valse jurassienne, la valse jurassienne, et c'est Angélique, Angélique Neuville, qui est de Lons-le-Saunier, qui va nous interpréter cette merveilleuse valse. Allez, on peut danser. Limousine et deux ou trois chansons. Tu n'es plus qu'un souvenir d'une époque oubliée qui s'est envolée. Un amour qu'on vient cueillir dans ton jardin secret, près d'un vieux rocher. Je revois tes longs cheveux, ta robe d'autrefois, tes sabots de bois. Une larme dans tes yeux, le soir où tu m'as dit, je pars loin d'ici. J'ai trouvé sur la colline un vieil accordéon, une coiffe limousine et deux ou trois chansons. Oui, et merci à Pierre-André de nous avoir fait valser avec cette merveilleuse valse pastourelle des Bruyères. On continue toujours avec la valse musette, le retour des hirondelles. Thank you. Hé Roland, qu'est-ce que tu fais là avec ton alouette polka? Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci à Roland Zaninetti qui vient de nous faire danser la polka. Et vous écoutez toujours Accordéon Parade, une émission que vous présente, que vous propose, que réalise Michel. C'est tous les dimanches à partir de 9h jusqu'à, jusqu'à la fin de l'émission. Et puis Accordéon Parade, c'est une émission pour les amoureux du piano à rotel. Et on est tellement bien parti ce dimanche qu'on est parti de gauche à droite et de droite à gauche. La bande à Bardet. Moi qui aime la vie, moi qui aime la fête, j'aimerais aujourd'hui vous confier ma recette. Un petit peu d'ardeur et beaucoup d'entrain, à présent accrochez le bras de vos voisins. Un petit peu de gaieté, beaucoup de bonne humeur, maintenant balancez et chantez tous en cœur. Et de gauche à droite, avant, en arrière et de haut, en bas on s'amuse, c'est la fête. Ça se chante, ça balance, ça vous met dans l'ambiance. Ça chasse les soucis, ça fait peur aux ennuis. Si comme moi vous voulez tuer la morosité, à coups de balancer et on s'en reprenez. Et de gauche à droite, avant en arrière et de haut en bas, on s'amuse, c'est la fête. Et de gauche à droite, avant en arrière et de haut en bas, la voilà ma recette. Maintenant vous savez bien chanter et danser cette chanson consacrée aux joies et à l'amitié. Vous êtes bien entraînés, je dirais même surdoué, restez bien accrochés, on va accélérer. Et de gauche à droite, avant en arrière et de haut en bas, on s'amuse, c'est la fête. Et de gauche à droite, avant en arrière et de haut en bas, la voilà ma recette. Et de gauche à droite, avant en arrière et de haut en bas, on s'amuse, c'est la fête. Et de gauche à droite, avant en arrière et de haut en bas, la voilà ma recette. Et de gauche à droite, avant en arrière et de haut en bas, on s'amuse, c'est la fête. Et de gauche à droite, avant en arrière. Même les taureaux en sont baba. Ay Conchita, reine des corridas, joli sombrera, partout c'est la fiesta. On voit des cochos frappés de tequila et les toreros oublient leur muleta. Ay Conchita, reine des corridas, joli sombrera, partout c'est la fiesta. Les mariachis toi, oh bella señorita, a Conchita. Anda, Et merci à Angélique et ses musicaux qui viennent de nous interpréter ce passo-doble. Et on continue avec un sympathique accordoniste qui nous vient d'Amérique. Merci à Johnny Pécon qui vient de nous interpréter cette polka. Al Polka, merci, sympathique accordéoniste qui nous vient d'Amérique. Et on continue l'accordéon bien sûr, avec, eh bien, avec un accordéoniste. Et c'est la plus basse des Java, un petit pas. J'en aurai à la fin mon nombril. s'en alla. Sur un air de Java. Boulevard de la Chapelle. Sur un air de Java. Elle se vendit pour de l'or. Sur un air de Java. À 5 francs la séance. Oh bah non, je crois que c'est un écoute ça si c'est chouette. Et J. Merci à Ludovic Beyer de nous avoir interprété cette polka des ballons. Et on continue toujours accordéon parade. Thank you. Merci à Tony Meller qui vient de nous interpréter cette princesse accordéon. Et on va terminer avec les accordéonistes jurassiens. Merci aux deux Gilbert, Schwab et Hofstetter, les accordéonistes jurassiens, pour cette merveilleuse valse. Et c'est avec cette valse que se termine Accordéon Parade. Je pense que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Sur votre radio sympathique sur GFM. Je vais changer de studio, me requinquer un petit coup pour vous présenter de la variété. Une petite heure de variété. Allez, bon dimanche, bonne semaine, bon mardi, puisque l'émission est rediffusée le mardi. Et à bientôt. Bye bye. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est dimanche. C'est mardi. Et oui, l'émission est rediffusée le mardi à partir de 11h. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec moi ce dimanche, ce mardi. Et c'est Michel avec vous. Alors, vous avez tiré des rois la semaine dernière ? Je parie que c'était vous, madame, qui était reine. Comment ? Vous n'étiez pas reine ? Ah, vous étiez roi, hein ? Bon. Et vous, madame, je parie que vous étiez roi. N'importe comment, le gâteau était bien bon, la couronne pas trop lourde, ça va. Et on était comme les rois mages, n'est-ce pas, Sheila ? Suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai où tu Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Quand j'en aurai assez de rester leur idole, je remonterai sur scène comme dans les ça fait du bien, un petit air de mandoline. C'est très, très joli. Et bien maintenant, on va passer aux dédicaces. Tout d'abord, on va écouter Color Gitano et c'est Kenji Girac qui va nous interpréter ce merveilleux morceau. Alors, c'est sympathique parce qu'il y a de sympathiques auditeurs qui m'envoient des mails et puis qui me demandent des dédicaces. Alors ça, c'est sympathique et ça me fait plaisir. Donc, on va écouter... eh bien oui, Color Gitano, c'est pour la petite Rosie à Oshia de la part de Jimmy pour sa patronne. Rosie est une amie fidèle de Sorgia FM qui nous apprécions énormément pour son dévouement à la radio. Donc pour Rosie à Oshia, nous allons écouter son chanteur préféré Kenji Girac. Et bon dimanche à Rosie et à tout le monde. Allez, on écoute. C'est une façon de voir la vie, un peuple plus grand qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. Gitano, c'est des guitares des nuits sans fin, les mots chaleureux des anciens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, color gitano. Eh oui, une belle journée à la montagne, à la campagne, ça c'est bien, ça fait du bien. Et puis maintenant, une deuxième dédicace, c'est pour Gilbert Blanc à la Marpa à Champremier. Alors Gilbert, il écoute sur GFM le dimanche matin et il adore Michel, il adore l'accordéon. Alors on m'a demandé pour notre ami Gilbert Blanc, qui coule de jours heureux à la Marpa de Champremier, et en souvenir de son épouse Denise, décédée bien trop tôt, nous allons écouter une très belle valse, Mon beau Jura, donc pour notre ami Gilbert, qui a passé une très bonne après-midi samedi dernier, en compagnie des lapidaires de Chézry. Voici donc Mon beau Jura et bon dimanche à toi Gilbert. Eh bien Gilbert, c'est pour toi tout seul, cette merveilleuse valse, Mon beau Jura et bon dimanche à toi. Mon beau Jura, berceau de mon enfance, j'aime tes poils, j'aime ta voix, sur tes coteaux. Elle en entend la haute.

rouleur flambeur ou gentil petit vieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Et oui, c'était la balade des gens heureux et c'était Gérard. Gérard, attendez, ouais, monsieur, il n'a pas dit son papier, Benoît Labo. Eh bien, c'était un sympathique Gérard Lenormand. Voilà, c'était Gérard Lenormand. Eh bien, maintenant, nous allons écouter un petit air d'accordéon et c'est pour Madame Magnin qui est à Challonges. Alors, pour vous, Madame Magnin de Passy, pour vous toute seule, eh bien, nous allons valser la valse. Sure. je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours, après toi. De ma tendresse, mais plus rien de mon amour. Après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur sans joie. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et bien voilà, l'émission se termine, une émission que vous a proposée, que vous a présentée Michel ce dimanche sur les 91-91 MHz de Sorgia FM. Je vous rappelle que si vous aimez l'accordéon et, ou la variété, eh bien on se retrouve mardi pour la rediffusion de l'émission. Et bien sûr, c'est toujours sur les 91 MHz de Sorgia FM. Merci d'avoir été à l'écoute ce dimanche. Passez un bon dimanche, un bon mardi et une bonne semaine et bye bye, à bientôt !